Rejoignez-nous dans ce voyage à travers le temps. Attachez vos ceintures. Aujourd'hui, on fête la Pâque orthodoxe. À cette occasion, on fait de petites compétitions avec des œufs durs pans. Deux personnes choisissent un œuf et le but du jeu, c'est de casser l'œuf de son adversaire en le cognant contre celui de l'autre. Après, on le pèle et on le mange. Que le meilleur gagne. Avril 1877. Premier vol d'hélicoptère de l'ingénieur italien Enrico Forlanini. Rose, you're the most amazingly astounding, wonderful girl, woman that I've ever known. I'm not an idiot. I know how the world works, but I'm too involved now. You jump, I jump, remember? Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. 15 avril 1912, naufrage du Titanic. Avril 1955, ouverture du premier restaurant McDonald's à Des Plaines, Illinois.